un camarade de Mozart. Ça vaut pas la compo à fil. Ça comprend. C'était quoi les accords? C'était un truc comme ça. T'as écouté Bilos, ça allait bien la compo. Je pense qu'il y a un potentiel pour passer à la nouvelle star. Avec comment il s'appelle le mec de NTM? NTM. Joe Star. L'unanimité a déjà voté. Bizarre, je sais plus. Oh. Normalement, la stéréo de ce truc devrait me faire les basses en bas. C'est nul ça, je préfère la compo de film. Manu. Oh Manu, Manu viens. Oh Manu, oh, pourquoi faire, ah, pourquoi faire. version irlandaise. We'll be right back. Ah, hola Bilos. It's the final condom, the final préservatif. We'll be right back. c'est génial quoi. We'll be right back. va tout dire, quoi. Ah, on va y arriver, oh. We'll be right back. Ça va bien ça. Merde. We'll be right back. Merde. J'ai raté le train.